Les nuits de France Culture, nuit spéciale Hergé et journal de Tintin. Alors il reste encore des heures et des heures de préparation à l'escalade et de marche dans la neige pour Tintin, Haddock, Milou avant, qui sait, qu'il retrouve Chang grâce à la diffusion donc de Tintin au Tibet. Bonsoir Gauthier Van Merbeek. Bonsoir. Vous qui êtes le directeur éditorial du Lombard, si vous ne connaissez pas en fait la fin de cette histoire, j'ai pas l'impression que vous j'ai quelques notions. Je vais éviter de spoiler, comme on dit, mais oui, j'ai une idée. Vous savez, quand même, ça date de 1960. Il aurait pu avoir une adaptation avec une fin différente. Je sais pas, le Yeti pourrait s'attaquer très méchamment à Chang. Non, ça sera pas ça. Ne vous inquiétez pas. Non, je pense que ça finit bien. Désolé. Bon. Alors première question, parce que on se posait la question avec Jérôme Neutre en tout début de nuit. Jérôme Neutre qui venait pour nous parler de l'exposition Hergé au Grand Palais à Paris. On dit Moulin Tsar ou Moulin Tsar? On dit Moulin Tsar. Je ne pourrais pas vous donner la raison grammaticale parce que c'est bel et bien un S tout seul, mais c'est Moulin Tsar. Alors, c'est une aventure Tintin au Tibet, puisque c'est le feuilleton que l'on suit toute cette nuit, que vous n'avez pas dû lire dans le journal Tintin, vous, parce que vu l'âge que vous avez, ou que vous paraissez avoir, vous n'étiez pas là pour un fameux jeudi de 1958, le 17 septembre 1958, vous n'étiez pas là pour aller acheter le journal de Tintin pour lire les nouvelles aventures de Tintin. Non, je me suis rattrapé après, mais comme je suis en 74, j'ai raté ça de peu. D'accord. Alors, vous êtes là un petit peu pour nous parler de vos lectures du journal Tintin, parce qu'après tout, c'est normal. Quand on travaille au Lombard, quand on est le directeur éditorial, on est censé connaître absolument tout du journal Tintin. Et je pense que vous connaissez tout, mais il n'y aura pas de piège de test particulièrement subtil. Enfin voilà. Simplement, il faut signaler que vient de paraître un album gigantesque, volumineux, très lourd, très réjouissant, qui s'appelle La Grande Aventure du Journal Tintin 1946-1988, édition Moulin Tsar, Le Lombard, avec évidemment Tintin et Milou. Ils fuient vers je ne sais quelle aventure, où ils n'ont pas l'air de fuir un danger, ils partent plutôt, je ne sais pas ce qu'ils font là sur le... Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être les deux, soit de fuir un danger, soit de courir à l'aventure, à la poursuite de quelqu'un. Oui. Il y a un gros point d'interrogation quand même, parce que Tintin, il se pose souvent des questions comme ça, c'est souvent en bas de page, la dernière case Il y avait ce sens du récit de Hergé de toujours finir souvent sur un cliffhanger, sur un suspense. Un quoi, hein, comment? Ah pardon, un cliffhanger, c'est l'expression américaine pour dire on arrête sur un moment de tension pour donner envie de tourner la page. Alors on pourrait dire, Gauthier Van Merbeek, ça fait 70 ans qu'existe le journal Tintin. Ce serait un peu inexact, il faut dire que ça fait 70 ans qu'a été créé le journal Tintin, un hebdomadaire. C'est une très belle occasion donc pour les éditions du Lombard et pour Moulin Tsar de publier ce volume. Quelle idée vous a prise de faire 777 pages, à part le plaisir de multiplier les 7 pour ce journal des jeunes de 7 à 77 ans? C'était un peu la vision, évidemment. Oui. Il y avait une envie très ancienne chez moi, mais même au Lombard, avant que j'y arrive il y a une dizaine d'années, de rendre hommage à cette histoire glorieuse qui était celle du Lombard avec le journal Tintin. Parce qu'effectivement, il n'existe plus. Le Lombard existe toujours. Donc le vrai prétexte, c'est les 70 ans de la maison d'édition. Et donc de rendre hommage à son histoire et à son passé. Alors vous avez choisi les premières pages, les premières aventures, les premiers héros de ce journal qui est donc né en 1946. En Belgique. En Belgique, et assez rapidement par la suite, fut le succès en France. Donc c'était vraiment le même journal proposé dans les deux pays. Oui, mais assez rapidement, mais 2 ans après quand même, non? C'est ça, oui. Ah oui. À l'échelle de l'ensemble de son histoire, non, c'est vrai que c'est pas si rapide que ça. Mais parce que j'imagine que les petits lecteurs en 1948, il a fallu leur réexpliquer ce qui s'était passé. Comment ça a pu se passer? C'était pas le même journal qui paraissait à Bruxelles et à Paris? Alors, pour parler des capitales, c'était lu partout. Non, effectivement, alors du coup, il y a eu parfois des changements de numérotation, mais principalement, c'était vraiment le même contenu pendant assez longtemps. Il y a eu un tournant, il y a eu une différenciation à un moment entre la Belgique et la France, suite au partenariat entre le Lombard et Georges Dargaud, l'éditeur de bande dessinée, qui lui a repris un peu l'exploitation du magazine sur le territoire français, qui trouvait que parfois c'était un petit peu licencieux, un petit peu dangereux. Il fallait le dire vite pour sur Tintin, qui était quand même assez inoffensif globalement, mais il trouvait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait pour les yeux des petits lecteurs français, donc il y a eu un peu de censure du côté français pour le rendre plus inoffensif encore. Et qu'est-ce qui pouvait choquer Georges Dargaud? Honnêtement, je ne sais pas, ce serait intéressant d'aller voir ce qui a pu le... S'il a lu son pilote après, dans les années 70, c'était quand même, il a dû être plus plus choqué, là, à ce moment-là. Oui, qui finalement avait un angle un peu plus ado-adulte, c'est vrai. Mais là, comme c'était pour tous, à partir de 7 ans, officiellement, sans doute qu'il y avait peut-être des séquences un peu trop violentes. Parce qu'au niveau érotisme, franchement, il n'y avait pas grand-chose. Mais peut-être un peu de. Ça avait échappé, en tout cas. Trop d'action, oui, moi aussi. Bon. Alors, donc, la grande aventure du journal Tintin commence en 1946. Oui. C'est un succès immédiat. Comment ça s'est passé? Ça a vraiment démarré. C'est Hergé qui a voulu? Non, en fait, c'est Raymond Leblanc, qui était un jeune entrepreneur bruxellois, qui avait été résistant assez actif pendant la guerre, puis qui avait ensuite envie de créer des entreprises, et dit, je sens que la jeunesse aujourd'hui a ce besoin, ce manque, vu ce qu'elle a vécu ces dernières années, de distraction, d'ouverture, de héros, d'oxygène. Et donc, son envie, c'était de créer un illustré pour la jeunesse. Et puis son idée de génie, c'est d'avoir fait appel à Hergé, parce qu'à l'époque, Tintin était déjà le héros de bande dessinée le plus célèbre, en tout cas en francophonie, c'était vraiment le plus connu, donc il y avait une force du personnage. Et puis Hergé était un très grand artiste et aussi un très grand directeur artistique, donc il a amené d'emblée un regard, une patte, une exigence qui a fait un très très bon journal. Tout de suite, ça... Et en fait, il fallait trouver des collaborateurs, d'autres oui, créateurs. Oui, alors ça c'était aussi l'apport de Hergé, c'est là qu'ils ont été trouvés Edgar P. Jacobs, donc qui a à cette date-là, donc en 46, créé Blake et Mortimer, qui est devenu la légende de la bande dessinée que l'on sait. Mais également, dans les créateurs d'origine, il y avait Paul Cuvelier, qui a fait Corentin, qui est un petit peu moins célèbre, un peu moins... On recevra Christophe Simon plus tard dans la nuit, qui viendra nous parler de sa reprise du personnage. Tout à fait, qui était le premier à oser se frotter au talent incroyable de dessinateur de Paul Cuvelier. Et puis, Jacques Loudy, qui est devenu un petit peu moins célèbre. À l'époque, c'était vraiment les Quatre Mousquetaires. Donc, il y a réuni autour de lui des grands auteurs. Et d'emblée, il a voulu partager, évidemment, c'était le but, mais le succès, l'aura de Tintin, pour créer de nouveaux héros. Et c'est ce mélange de qualité-là des auteurs, mais aussi le fait qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre, finalement, pour se distraire. En illustré pour la jeunesse, il y avait vraiment un moment qui avait un trou béant, et se sont engouffrés dedans. Mais il y avait quand même le journal de Spirou qui existait. Il y avait Spirou, c'était vraiment, évidemment, le grand rival. Ça allait rester pendant des années, il y avait cette espèce d'ancienne lutte... Tintin Spirou qui a duré, mais effectivement il n'y a pas grand chose d'autre, donc ça a été vraiment les deux grands rendez-vous hebdomadaires pour la jeunesse et puis après ça pour les plus âgés en bande dessinée. Dans les cours de récréation on était Spirou ou Tintin, attention. Ah non, toujours, il y avait vraiment ce positionnement tout à fait nécessaire. Moi petit, on va faire les deux, donc à un moment mon cœur a balancé, mais aujourd'hui c'est sûr, c'est Tintin. C'était pas aussi important que Sartre ou Aron, mais enfin quand même c'était... Et presque. Presque, presque. Alors, vous donc, Gauthier Van Merbeek, quand est-ce que vous avez découvert Tintin, le journal de Tintin? J'ai eu la chance de le découvrir petit, de mes 6 ou 7 ans, puisque finalement il s'arrêtait seulement quelques années après, donc je devais en avoir 12, je m'en souviens très bien, ça a été vraiment un drame. Tout à coup, on s'était habitué à ce rendez-vous, c'était tous les mardis le nouveau Tintin, c'était une espèce d'évidence. Alors, une fois, ça a disparu, ça a été vraiment un choc pour beaucoup de lecteurs, une vraie tristesse. Lombard enchaîne avec LOBD, qui reprenait un petit peu les mêmes héros, mais il y avait... Avec Tintin, il y avait une perte un peu de la magie, avec la perte du nom. Alors, on va revenir sur ce livre, donc sur ce grand album, La Grande Aventure du Journal Tintin. Qu'avez-vous choisi? Parce qu'on ne peut pas simplement faire... Vous avez repris quelques couvertures, évidemment, du journal Tintin. On voit très bien comment Hergé dessinait énormément. Mais il y a eu aussi donc Edgar P. Jacobs, Paul Cuvelier, bien sûr. Plus tard, Jacques Martin avec la création d'Alix, et plus tard, Jacques Martin avec la création de Guy Lefranc. Mais il n'y a pas que ça. C'est très réjouissant parce qu'on retrouve finalement, selon les âges des uns et des autres, mais on retrouve le plaisir de feuilleter le journal de Tintin avec le courrier des lecteurs, par exemple. Ça, c'est très amusant. On tenait à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de bandes dessinées, hein, parce que je reviendrai un petit peu sur la sélection, ça a été un travail avec difficile. Avec des inédits aussi, oui. Il y avait, oui, beaucoup d'inédits, en album en tout cas, donc beaucoup d'histoires courtes qu'on ne peut trouver que là-dedans, parce qu'ils ne sont que dans le magazine. Donc ça, c'est vraiment la grande majorité, il y a plus de 600 pages de bandes dessinées, mais on voulait aussi retracer un peu l'histoire du journal. Et donc, il y avait eu à l'époque, peu avant la fin du journal, une rétrospective des articles qui chaque semaine retraçaient 2-3 années du journal de façon très exhaustive, très complète. On citait chaque auteur, chaque titre, et puis il y avait des extraits effectivement de publicités un petit peu cultes ou bien de courrier des lecteurs. Et donc ces quelques pages-là reviennent plusieurs fois dans le livre pour le rythmer en fonction des époques. Ah, vous précisez que les correspondants d'hier qui par bonheur se reconnaîtraient aujourd'hui, pseudonymes exclus, sont invités à se manifester contre l'envoi d'une photocopie de leur carte d'identité. Ils recevront un album offert par les éditions du Lombard. Vous avez tenu ce pari, enfin cette proposition. Vous avez reçu déjà des lettres ? Alors, des fois, bien de me signaler, ça, j'aurais peut-être dû le relire. En fait, ça date évidemment de, c'est une promesse de l'époque, c'est vraiment de la, du facsimilé des pages éditées dans le journal à l'époque, donc c'est sûr que ça a eu lieu et qu'ils l'ont fait. Ouais. Et vous vous engagez, là, attention. Sociaux. Maintenant que vous l'avez dit tout, effectivement, on risque d'avoir des gens qui vont aller retrouver ces lignes dans le livre. On verra à ce moment-là. Alors, le courrier est très amusant. Il y a un petit pilou de la Hulpe. Alors, je ne sais plus trop où il est. Alors, on lui répond. « Mon garçon, quand on désire obtenir des réponses à tant de questions, on commence par être poli. Et si l'une ou l'autre histoire t'a barbé, tu pourrais peut-être écrire plus gentiment que tu n'as pas aimé. À la réflexion, ne penses-tu pas comme moi ? Je répondrai donc à toutes tes questions lorsque tu voudras bien t'exprimer avec plus de courtoisie. » Ouh là là, oui, c'était, il y a parfois un petit côté donneur de leçons, en tout cas, à la première oui, époque. C'est logique, on commence par être poli. Ah non, mais c'est vrai, c'était, il y avait des valeurs très très claires du journal. Mm-hmm. D'ailleurs, on dit aussi, alors c'est pas dans le courrier des lecteurs, mais comme ça, il y a des encadrés. On dit, bon, d'accord, on est jeudi, tu reçois, parce que tu es abonné, et bravo, tu reçois ton journal de Tintin, mais d'abord, va t'assurer que ta maman n'a pas besoin de toi. C'est quand même très bien dit. Moi, je pense qu'ils avaient tout à fait raison. Mmh. Non, mais il y a comme un héritage quand même de. Il y avait vraiment ce souci du journal des années, enfin des années 20 et 30 dans lequel travaillait Hergé, quoi. Enfin. Tout à fait. Donc il y avait ce côté, cette influence, c'est vrai assez catholique finalement aussi dans vraiment dans l'éducation de Hergé, avec les valeurs qui selon eux et Raymond Leblanc aussi en découlaient. Donc il fallait vraiment que ce soit éducatif, jamais insultant, jamais blasphématoire. Et avec vraiment des valeurs qui se voulaient positives. Donc apporter quelque chose aux jeunes, que ce soit dans les aventures des héros qui se voulaient toujours évidemment très positifs, défenseurs de la veuve et de l'orphelin, ou dans un côté didactique, il y avait aussi parfois vraiment des histoires courtes qui racontaient, par exemple, Paul Cuvelier a raconté l'Iliade en 4 pages, ce qui est un exploit assez extraordinaire qu'on a mis dans le livre. Mais il y avait ce souci-là aussi, effectivement, d'apporter vraiment une éducation, en toute modestie, mais il y avait cette envie. Alors, il y a des lecteurs donc de l'époque qui signalent par exemple une erreur. Ils disent j'ai remarqué qu'il manque une moustache à Rastopoulos, je ne sais où. Alors on lui répond un peu gêné, mais en tout cas on le remercie. Ça sera rectifié dans l'album. Ils sont très attentifs, les lecteurs. Les lecteurs, pour ça, ils sont terribles. Il y avait le magazine Bodeuil, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait carrément sa page du Pinailleur, où on invitait les gens à dénoncer toutes les erreurs de case. D'une arme qui change de main, d'une barbe qui manque, c'était presque inévitable dans la bande dessinée. Alors, évidemment, il y a ce courrier, il y a des cases, peut-être des cases inédites, et puis aussi des cases un peu, enfin des pages qui parodient. On a la page de départ, comme ça, qu'on a pu lire dans le journal Tintin, et puis à gauche, et puis à droite, on a la même histoire, le même texte, en tout cas les mêmes dialogues, parodiés, pastichés, enfin, je sais pas comment dire, par quelqu'un qui d'aujourd'hui, quoi. Non, c'est vrai. Alors quelque part, là, on rend hommage à un hommage. Donc ça, c'était plutôt au début des années 80. On demande à certains auteurs très symboliques de la maison, comme Turc, par exemple, ou Chris, de reprendre une page qui les a marqués dans le passé. Donc ils reviennent à Jacobs, à Cuvelier, vraiment aux grands anciens, et pour la refaire à leur sauce. Donc ça permet de comparer, de mettre la page d'origine avec celle reprise en hommage, en clin d'œil. Et donc ça, c'est évidemment des matériaux assez rares aussi. Vous avez, dans le feuilleton Tintin au Tibet, là, qu'on entend depuis le début de cette nuit et qu'on va entendre jusqu'à la fin de la nuit, il y a aussi de temps en temps le courrier, alors non pas des lecteurs, mais des auditeurs. Et c'est amusant parce qu'à un moment donné, alors je pense qu'ils veulent gagner des albums, les petits auditeurs ou les petites auditrices, mais peut-être que ça embête un petit peu les éditions Casterman, ou j'en sais pas, ou c'est plus lourd à renvoyer, il y a peut-être un problème de poste, je ne sais quoi. Alors on leur dit... ce qu'on peut faire, c'est envoyer un dessin original de Hergé. Ce sera plus vite fait et moins coûteux. Oui, alors je pense maintenant aux auditeurs de la radio de France 2 régionale qui, en 1960, ou depuis même 2-3 ans avant et 2-3 ans après, pendant que était diffusé ce feuilleton, au lieu de demander un album qui valait, je ne sais quoi, peut-être 10 francs ou 4 francs, je ne sais pas, à l'époque, on dit « Oh non, finalement, je vais prendre un dessin original d'Hergé. » Je pense qu'à choisir, c'était une bonne décision. Ils ont fait une... Alors bon, c'était peut-être une photocopie. Ça a fait une telle valeur. Oui. Tellement immense que c'est sûr que c'est génial. Donc il faut, faut que les jeunes auditeurs, enfin les auditeurs de 1960 qui étaient jeunes à l'époque... Il faut y aller dans le grenier, oui. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous, Gauthier Van Merbeek, quelle est la partie la plus intéressante pour vous ? Parce que évidemment, quand il y a un gros livre comme ça, 777 pages sur les 42 ans d'un journal né il y a 70 ans, on se dit c'est évidemment les 10-15 premières années qui vont être les plus intéressantes historiquement, voilà, pour l'histoire de la bande dessinée, pour tout ce qui s'est créé à ce moment-là. Alors là, évidemment, entre une part de subjectif, moi, mes années préférées, ce sont les dernières. Celles dont tout le monde vous diront que ce sont les pires, les moins intéressantes, c'est celles qui ont marqué, évidemment, mon enfance, donc je voulais qu'elles s'y retrouvent aussi. Les plus cultes, les plus évidentes, les plus célèbres, ce sont les premières, avec tous ces auteurs qui sont devenus célèbres. Vous avez cité Alix, mais il y a eu aussi Michel Vaillant qui naît dedans, Retochet, Torgal un peu plus tard, donc tous ces grands héros-là, il y a Hugo Pratt. Une réponse un petit peu neutre, ce serait de vous dire, pour moi, l'époque principale, le vrai tournant, ça a été les années grecques. Donc c'est plutôt les années... Comme rédacteur en chef, alors. Comme rédacteur en chef. De l'auteur grec, qui était aussi un scénariste, qui a écrit avec Herman Comanche, Bernard Prince, a été rédacteur en chef. Donc c'est beaucoup investi aussi en écrivant, donc ça donnait un ton particulier. Mais au début des années 70, ils ont fait basculer les héros vers une dimension un peu plus intéressante, avec un peu plus de facettes, avec une certaine noirceur par moment, avec des dialogues plus travaillés, plus audacieux. Et il y a eu cette modernité qui est apparue en une fois, en général qui était peut-être un petit peu datée par moment. Donc pour moi, le moment important vraiment, historiquement, c'est peut-être ça, début 70, les années Greg. Ben c'est toujours bien de rendre hommage à Greg, parce que c'était quelqu'un de formidable. On parle beaucoup de René Goscinny, et à juste titre, mais Goscinny d'ailleurs, que Greg dessinait dans Achille Talon, ça c'est dans Pilote, représenté en tout petit bonhomme, toujours avec une hache, prêt à taper sur quiconque lui demandait quoi que ce soit, et à s'irriter, ce qui n'était pas le cas, je crois, dans la vie. Non. Greg, c'était quelqu'un un immense scénariste. Enfin, il a écrit pour tout le monde. C'est un immense scénariste qui a peut-être eu les succès commerciaux aussi évidents que ceux de Goscinny. Il rendait toujours le pendant. C'est plutôt Charlie à l'époque, celui qui faisait Barbe Rouge et Blueberry. C'était vraiment les deux facettes. Mais pour moi, Greg, c'était, enfin, comme vous dites, c'est vraiment... Peut-être qu'il n'a pas eu ce succès commercial évident, mais il a fait beaucoup d'albums cultes et il a amené un sens du dialogue qu'honnêtement était à l'époque le seul sans doute à avoir en bande dessinée. En humour, il y avait Goscinny, c'était une évidence, mais lui sur un ton plus adulte, parfois plus sombre, c'était vraiment le meilleur. Donc parfois il est un petit peu oublié, or c'est un très très grand scénariste de la bande dessinée. Et on parlait, enfin là aussi on parlait des cours d'école où on se divisait entre lecteurs de Spirou ou lecteurs de Tintin, mais il y avait aussi les lecteurs de Pilote et tout le monde parlait un peu comme Greg, c'était un jeu comme de parler comme Achille Talon en tout cas. Alors c'est vrai que du coup moi j'étais un très grand lecteur de ses albums d'aventure plutôt comme Comanche, mais en humour il avait Achille Talon qui avait vraiment un ton, une approche très particulière, très originelle. Il était vraiment un amoureux du langage, donc à ce niveau-là il pouvait faire aussi bien de l'humour que du réaliste. C'était de la science-fiction aussi. Il pouvait vraiment, vraiment tout faire et il y avait chaque fois une espèce de patte. Ça se voit chaque fois dans les dialogues, il y a vraiment un ton, Greg. Alors, c'est vrai que cet album, c'est normal quand ça parle de 40 ans de bande dessinée, ça veut dire que ça 4 décennies de lecteurs. Puis ça ne veut pas dire grand-chose, 4 décennies de lecteurs. Parce qu'on était abonné au journal Tintin combien de temps, finalement? Ça durait généralement, en tout cas au début, le temps de l'enfance. Et puis certains duraient un petit peu plus longtemps. Je crois que c'est à partir de 70 que certains ont commencé à lire au-delà sans doute de leur 15-16 ans, sans trop rougir. Mais à l'époque, c'était vraiment peut-être un peu trop ancré dans l'enfance pour certains. Et alors pour ceux qui, comme moi, ça s'est interrompu trop vite, entre guillemets, on a eu la chance de se rattraper sur les recueils. Parce qu'heureusement, il y avait les invendus qu'on refaisait en album cartonné et qu'on pouvait encore racheter pour retracer le passé au fur et à mesure et remonter le temps de cette façon-là. Donc en fait, bon, on peut être abonné 3-4 ans au journal de Tintin et ensuite passer les 30 ou 40 années qui suivent à essayer de retrouver les numéros manquants. Et oui, j'en ai bien peur, sans doute que beaucoup regrettent d'avoir interrompu ça à un certain moment ou d'être passé peut-être à quelque chose de plus adulte comme à suivre à l'époque. Il s'agissait tout à coup plus de lire la même chose qu'avant. Ou Pilote même, déjà. C'était un peu le passage de l'enfance à l'adolescence, Pilote, disons. C'est vrai. Donc, Pilote qui avait un ton peut-être entre les deux au niveau du public visé. Mais alors, quand on lit donc les 100 dernières pages de cet album, finalement, quand on découvre, moi j'ai pas découvert, j'ai un peu abandonné Tintin à une certaine époque quand même, mais c'est vrai que c'est un tout autre Tintin, enfin, et ça s'adresse malgré tout à des enfants, enfin à 10, 12, 11 ans. Tintin, comme Spirou, en tout cas avec le temps, a eu cette espèce de chance de trouver un public sans en viser un très précis. Quand ils vont à l'hebdomadaire de 7 à 77 ans, c'était très vrai, en particulier sur la fin. Finalement, on pouvait trouver son compte, peut-être à tout âge, il y avait des choses un peu plus sombres, un peu plus drôles. Et Spirou a toujours eu cette ligne-là aussi, finalement. En tout cas, avec le temps, il y a eu des choses parfois étonnantes, plus dures, plus adultes. Et néanmoins, il a gardé une identité, une sorte de ligne de crête assez improbable, mais pour tous les publics. Il y avait déjà eu des albums comme sur le journal de Tintin. Enfin, tous les 10 ans, vous fêtez un chiffre rond ou ah non, non, alors non, justement, pas du tout. C'est ça qui était pour moi très très excitant dans ce projet, c'est que ça n'avait jamais eu lieu. Un livre d'hommage, ça impliquait une coédition. pure et dure, ce qui n'est jamais simple à construire, entre deux maisons qui ont leur identité, qui ont leur façon de travailler. Donc il fallait savoir convaincre Moulinsart de travailler avec nous, parce qu'on voulait le nom Journal Tintin, qui était évidemment, qui appartient à Moulinsart, mais également du RG. Donc on voulait qu'il y ait une vraie partie, au moins 70 pages, on restait dans cette logique-là, qui soit consacrée à RG avec des dessins un peu rares ou inédits, des couvertures de journal, ou même des pages comparées, qui étaient dans le journal à l'époque, qu'il avait modifié pour l'album, et que donc que peu de gens ont vu. Tout ça était important. Donc ça se passe une fois tous les 30 ans, finalement, ce genre de projet-là. Et puis il faut réunir, presque, enfin, 650 pages au moins de bandes dessinées de différents auteurs qu'il s'agit de contacter, de convaincre. Il s'agit de faire une sélection dans un matériau en fait immense. Donc c'est beaucoup de travail, on ne va pas le faire régulièrement, oui. Malheureusement. Vous disiez, Gauthier Van Merbeek, des cases qui ont disparu lorsque les aventures de Tintin, en l'occurrence, sont parues en album. Mais il y a beaucoup, ça marche pour d'autres personnages, j'imagine. Le début de Tintin au Tibet, on découvre qu'on est en France, enfin on sait qu'on est en... Enfin, on sait, non, le sait-on. Vargèse, une ville imaginaire, enfin une station imaginaire où Tintin passe ses vacances avant de recevoir la lettre de Chang et tout ce que l'on sait, tout ce que savent les auditeurs qui suivent, oui. Le feuilleton. Pourquoi ça disparaissait de l'album ? Alors, Hergé n'avait aucun problème à retravailler derrière. Parfois, il se rendait compte que à la page 20, en fait, l'album aurait dû se passer en automne, alors les couleurs qu'il a fait au début sont les couleurs de l'été, donc il leur travaillait aussi. Mais parfois, il devait un peu condenser. Il se rendait compte que pour que l'album tienne un certain nombre de pages, il en avait fait un petit peu trop. Donc, parfois, il le remontait. Alors, il prenait les albums du journal, il découpait les pages, il refaisait ses pages, et une fois qu'il était content de sa narration nouvelle, il le faisait vraiment sur les originaux. Il le retravaillait pour l'album. Donc, ça explique parfois des changements. Est-ce que vous avez découvert, en réalisant cet album, donc pour les 70 ans de la création du journal de Tintin, Gauthier Van Merbeek, est-ce que vous avez découvert un héros oublié par les éditions du Lombard ? Je dois avouer que j'en ai découvert quelques-uns. Il y en a un pour le gag, c'est le Marshall. Personne ne connaît le Marshall, c'est une planche de Franquin, de gag, où il annonçait un nouveau héros, qui était un shérif, avec des fusils à 7 coups, etc. Il fait un premier gag qui est presque une introduction à un héros, et à la fin, il le tue. Donc c'était son gag final, finalement. Il présentait une grande série, dont il n'y aurait eu jamais qu'une seule page, dans le journal Tintin, jamais un album, et donc ce genre de choses-là qu'on trouve amusant de reprendre dans le livre. Par chance, il n'a pas tué Modeste et Pompon, et on a pu, cette année ou l'année dernière, je crois, avoir l'intégrale des aventures de Modeste et Pompon, parce qu'on connaît Gaston du même Franquin chez Spirou, mais on a peut-être oublié, c'est extraordinaire aussi, c'est Modeste vrai. Et Pompon. Modeste et Pompon, c'était très très bon. C'est aussi drôle que Gaston, de toute manière. Et oui, en fait, la série aurait peut-être été plus connue si elle avait été éditée dans Spirou et chez Dupuis, qui était l'éditeur historique fondamental de Franquin. Il y avait un lien très ancien, ce genre de lien qui peut créer des grandes disputes. Et un jour, ça s'est mal passé entre eux, pour une question de contrat. Et donc, l'affront ultime que pouvait faire Franquin à son éditeur un peu trop atteint, c'était de passer chez l'ennemi. Et donc, il est parti avec armes et bagages au Lombard, dans le journal Tintin, ce qui a été évidemment un séisme à l'époque. Et il a créé Modeste et Pompon. Donc pendant 2-3 ans, il est resté là pour animer ses personnages. Il a signé un contrat de 4 ans, je crois. Ah, c'était 4 ans, mais vous avez tout à fait raison, sûrement. Et puis en fait, il s'est rendu compte qu'effectivement, son histoire le ramènerait toujours à Spirou, Fantasio, Gaston. Et il est reparti chez Spirou. Modeste et Pompon, c'était une excellente série et qui peut-être, du coup, comme elle s'est interrompue là, n'a pas été assez mise en avant. Bah, en tout cas, oui, mais il y a aussi des grands scénaristes qui ont écrit pour Franquin, des gags en une page, Goscinny et Greg. Voilà, Greg avait voulu participer aussi en tant que rédacteur en chef de l'époque. Et donc, il y a eu des collaborations, en fait, plus sans doute que ce qu'il faisait chez Dupuis donc pour cette série-là. Donc, alors voilà, vous avez découvert, Gauthier Van Merbeek, ce héros, mais c'est évident qu'on ne peut pas en faire un album, puisqu'il n'y a qu'une page ou deux, une planche. Oui. D'autres qui avaient échappé aux éditeurs de l'époque Pas tant que ça, finalement, parce que beaucoup, finalement, ont été édités en album. Il y a beaucoup d'histoires dans ce livre qui ne sont pas un album, parce qu'en tant qu'histoire courte, elle ne faisait pas un album complet. Un Ricochet, par exemple. Ouais, pas mal, d'ailleurs. Oui, non, mais il y a des très bonnes histoires, mais il y a aussi du Comment j'ai Bernard Prince. Il y avait beaucoup d'histoires de tous ces héros-là, Torgal, mais qui ne pouvaient pas être adaptés en album. Mais sinon, les plus grands héros qu'on a repris dans ce journal-là, qui est une sorte quand même, enfin, de livre de best-of, ont connu quand même un destin. Assez peu ont disparu, sont restés que dans les pages du journal. Il y a peut-être un désirable désiré que je connaissais mal. Bon, en tout cas, on va continuer à écouter le feuilleton et puis on vous retrouve en fin de nuit après la chute, qui est une chute heureuse, on peut le dire dès maintenant, de Tintin au Tibet, Gauthier Van Merbeck. Donc c'est La Grande Aventure du Journal Tintin, 1946-1988, édition Moulinsart, Le Lombard, donc 777 pages à lire, quelle que soit la génération à laquelle on appartient, parce que de toute manière, il y a du plaisir pour toutes les lectures et tous les âges. On vous retrouve tout à l'heure, et puis vous nous donnerez des nouvelles d'autres héros qui sont nés dans Tintin, mais qui ont volé de leurs propres ailes. Volontiers. Bon. Eh bien, la nuit continue, cette nuit spéciale RG et Journal de Tintin.